Bonjour à tous, chers amis, et bienvenue à FrenchPod. Je m'appelle Amaury. And I'm Erica. Bonjour, francophones. This is an intermediate lesson. Où nous allons parler, en fait, d'une cérémonie bien connue qui est le mariage. Yeah, actually, our dear Christophe and his girlfriend became engaged. So in their honor, we're doing a little dialogue about a wedding. Donc, on va dire que c'est le grand jour et qu'on se retrouve à la mairie. So why don't we listen in on the ceremony? C'est parti. Monsieur, vous êtes conscient de l'engagement que vous allez prendre ? Bien sûr, j'ai bien réfléchi. Vous serez donc un excellent mari ? Jamais je ne tromperai ma femme. Vous la protégerez en toutes circonstances ? Je la défendrai quoi qu'il arrive, quitte à risquer ma propre vie. Vous acceptez donc de prendre Mademoiselle Boineau pour épouse et vous marier dans cet acte d'une façon consciente, libre et volontaire ? Oui, Madame le maire. Back. Looks like he accepted. Moment important. So there's a lot of really interesting expressions that we use every day found in the ceremony. So it's pretty useful dialogue. Tout à fait, Erika. Let's start with the beginning. What was the first thing that le maire asked the guy? In this dialogue anyways. We get the impression we're like in the middle of the ceremony. Donc Madame le maire. Yeah, we have a female mayor here. Ouais. Donc elle demande au futur marié s'il est conscient de l'engagement qu'il va prendre. Okay, so être conscient de... So like, do you know what you're in for? Évidemment. To be aware. Do you use this expression, you know, in your conversation? Is this a really formal ceremony expression or can you use it in everyday language? Non, on peut l'utiliser dans d'autres circonstances. All right, give us some examples. Je pourrais demander à un ami, tu es conscient de ce que tu fais? Why would you say that to your friend when he's about to get married? This is Mr. Bachelor here, so en fait, oui. That's probably exactly what you say to your friend. Mais tu es conscient de ce que tu fais? So, être conscient de... Give us one more example. Bon, c'est la fin du week-end. Okay. Je vais te dire, tu es consciente d'avoir dépensé tout ton argent? Yeah, okay. I will accept that one. Maybe we'll say it to you too. Yes, maybe I did spend all my money this weekend. Yeah, it was a good example. All right. Merci. So, here, you know, the mayor says... Vous êtes conscient de l'engagement que vous allez prendre. Is he? Tout à fait, puisqu'il dit, bien sûr, j'ai bien réfléchi. And this also, j'ai bien réfléchi, you can use in real life. Je suis conscient de what I'm about to do. J'ai bien réfléchi. Ouais. Since il a bien réfléchi, according to Madame le maire. Elle veut qu'il confirme et elle lui demande, vous serez donc un excellent mari. Vous serez. Oui, dans le futur. He answers with what, you know, probably she's expecting him to answer with. Jamais je ne tromperai ma femme. Tromper quelqu'un means to cheat on someone, right? Malheureusement, oui. C'est tromper, them. Tromperai is what you say in the future. Je ne tromperai. He says, jamais je ne tromperai ma femme. Voilà, c'est vrai que la forme habituelle serait « je ne tromperai jamais ma femme ». So why does he have the word « jamais » first? C'est pour insister sur le fait qu'il ne le fera jamais. So if I want to say, you know, « I will never do that », »,« je ne ferai jamais ça », like « I will never do that », »,« jamais je ne ferai ça ». Parfait. Ok. Mm-hmm. For example. Par exemple, ceux qui adorent les chiens diront « jamais je ne mangerai de chien ». Oh, good. I'm glad you're never going to eat dogs, Amaury. Jamais. This is a great example. Jamais. So then she makes the will you protect your wife kind of question. Vous la protégerez en toutes circonstances. Okay, so vous la protégerez en toutes circonstances. Will he? Oui, puisqu'il dit, je la défendrai quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. No matter what happens. Exactement. Ok, so quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, je partirai en vacances cet été. Ok, no matter what. Voilà. You're not stopping you. Non. Quoi qu'il arrive. Mm-hmm. So, but here he says, je la défendrai quoi qu'il arrive, quitte à risquer ma propre vie. What is the quitte about? Donc ça a le sens de même si je dois risquer ma propre vie. Even if it means that, and it's followed by the infinitive verb. So quitte à risquer ma propre vie. Even if it means I have to defend ma propre vie. C'est ça. Ok. Why don't we do some practice with that? This quitte à. Alors comme exemple, on pourrait dire, j'irai en Angleterre, quitte à y aller en nageant. So you're gonna go to England. There's nothing stopping you, even if it means you have to swim there. Okay. Wow. You must really want to go. Okay. Got another one for us? Je veux manger des frites. Okay. Quitte à les faire moi-même. So you want to eat French fries so bad, even if it means you have to make them yourself. Voilà. Quand je veux les frites, je veux les frites. Right. So then she asks him the last question. Donc on arrive à la fin. Okay. Et elle dit, Vous acceptez donc de prendre Mademoiselle Boineau pour épouse. Accepter de faire quelque chose. Voilà. Et prendre pour épouse, you know, take as your wife. Ouais, voilà, c'est l'expression prendre pour époux ou pour épouse. Ok, et quoi? Et vous marier dans cet acte d'une façon consciente, libre et volontaire. Ok, so that's a pretty formal expression, right? Ouais. Dans cet acte d'une façon consciente. So that's a pretty formal way to say, are you aware, freely, consciously? Voilà, exactement. You accept her as your bride. Does he? Eh oui, on ne l'a pas poussé. Il est d'accord. C'est pour ça qu'il dit oui, Madame le maire. Ok. Alors écoutons les dernières minutes de célibat de ce monsieur. Only a man would look at this dialogue like that. Monsieur, vous êtes conscient de l'engagement que vous allez prendre ? Bien sûr, j'ai bien réfléchi. Vous serez donc un excellent mari ? Jamais je ne tromperai ma femme. Vous la protégerez en toutes circonstances ? Je la défendrai quoi qu'il arrive, quitte à risquer ma propre vie. Vous acceptez donc de prendre Mademoiselle Boineau pour épouse et vous marier dans cet acte d'une façon consciente, libre et volontaire ? Oui, Madame le maire. Back, Amory, are you feeling all choked up about that dialogue? Non, ça va, je me sens pas trop mal. Je suis pas trop ému, ça va. You're more like feeling sorry for the guy, aren't you? Eh oui. Encore un. The eternal bachelor here. Oh, so let's talk about weddings in France. Oui. Here we have in front of the mayor in this wedding. Oui. Donc certains seront peut-être étonnés qu'on ne se retrouve pas devant une personne religieuse. Uh-huh. Mais la France est un pays laïque. France is a non-religious country, un pays laïque. Voilà. Donc pour avoir un mariage valide, okay, on doit le faire devant le maire. Okay, so because you guys are un pays laïque, oui, so you have to get married in front of the mayor. Exactement. Okay, so if you got married in front of a priest, it wouldn't count? C'est pas suffisant. Okay. Il faut le faire devant le maire également pour que ce soit valable devant la loi. All right, so that's why a lot of French people have to get married two times. Once in the church, and they still have to do the mayor for it to be legal. Ouais. Enfin, il y en a qui le font qu'une fois. Okay. Ceux qui ne vont pas à l'église, mais ils doivent le faire au moins une fois devant le maire. Okay, and then the church one is an option for you. Voilà, exactement. Interesting. So, this mayor one you always have. Donc, ce qu'on a ici, c'est bien sûr une cérémonie devant Madame le maire. Right. Où on n'entend pas tout le monde, mais c'est vrai qu'il y a encore la famille, bien sûr, qui est là. Il y a les témoins. Okay, witnesses. Et so, les invités. Okay, interesting stuff. So, if you have any questions, come to FrenchPod.com. Si vous avez une expérience à nous raconter concernant votre mariage, okay, votre cérémonie de mariage, vous êtes les bienvenus. Sur ce, merci beaucoup. Merci, au revoir. Salut.